L'air est vif, l'ambiance colorée et mystérieuse, c'est très apaisant. Et une petite dernière, nuit d'été. Bon, on a compris le principe. Mais je vous le dis tout de suite. Oui, est-ce que ça marche sur les enfants surtout ? Ça ne marche pas du tout. Ah. Alors en même temps, je me suis dit, mais pourquoi ai-je pensé une seule seconde que ça pouvait marcher ? Il n'y a que moi qui peux lire sur cette couverture du livre « J'aime être zen ». Ça ne peut parler qu'à un adulte, déjà en fait formaté par ce mot de zen. C'est ça qui est intéressant, pas le fait que l'on formate nos enfants dès leur plus jeune âge, à partir de nos propres inquiétudes, désirs ou projections, même si c'est une question assez grave. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt le fait que l'on veuille qu'une personne, dès son plus jeune âge, dès le début de sa vie, soit zen. Entendez qu'elle soit détendue, qu'elle commence la journée en douceur, avec les oiseaux, qu'elle soit apaisée au son de la montagne, ou qu'elle parvienne à sentir la nature autour d'elle. Pourquoi donc vouloir être zen à tout prix ? Zen, soyons zen, du sang froid dans les veines, soyons zen, plus le choc à la chaîne, zen, restons zen, du calme à la vie comme à la scène, sans amour, sans Alors, plus connu que le livre pour enfants dont je viens de vous parler, on a tous entendu au moins une fois dans sa vie cette chanson de Zazie. J'espère d'ailleurs que vous l'aurez tous dans la tête aujourd'hui, comme moi je l'ai dans la tête. Et rien de moins zen que ce refrain, qui joue d'ailleurs sur l'ironie de cette injonction à être zen tout en hurlant de l'être. C'est d'ailleurs le paradoxe du zen, se forcer à se détendre. En fait, le zen, ça me fait souvent penser à cette idée chez Rousseau dans le contrat social de forcer une personne à être libre. Rien de moins intuitif. Si on me force, je ne suis pas libre. Donc pourquoi vouloir forcer quelqu'un à être libre ? Eh bien pour moi, c'est la même chose pour le zen. Si on me force à être détendu, je suis forcé. Tendu donc, je ne peux pas être zen. Alors je sais bien que le zen ne se réduit pas à cette simple idée de détente. Je sais bien que le zen est même un concept noble, puissant, qui a une longue histoire. Mais l'édulcoration du zen n'est pas vraiment le problème qui m'interpelle aujourd'hui. Non, le problème, c'est plutôt cet appel à la détente. Cette valorisation intense et incessante à la détente à travers cette formule magique « sois zen ». Mais alors pourquoi faudrait-il être zen ? La posture des mains pendant le zazen. Ce mudra s'appelle Hokkaido-in en japonais, qui signifie à peu près accueillir l'univers entier. Notre mental est directement lié, relié à nos mains, où nos mains sont directement reliées à notre activité mentale. Étymologiquement, le zen est la méditation en position assise, en position zazen, comme on l'a entendu. C'est tout un dispositif. C'est un dispositif des mains, des jambes, de la respiration, de l'esprit. Loin d'être donné, d'être immédiat en un coup d'ambiance sonore de forêt ou de montagne, être détendu se mérite, donc ça se travaille, c'est un effort. Et c'est là qu'on retrouve cette drôle d'idée de se forcer à être détendu, mais aussi qu'on retrouve cette drôle d'idée reçue que être détendu, c'est bien, c'est mieux, c'est payant. Mais pourquoi être tendu, à l'inverse, ferait-il peur ? Pourquoi être en tension est-il si repoussant pour tout le monde ? Avez-vous déjà discuté, travaillé, vécu avec quelqu'un qui médite, il a peut-être l'univers dans ses mains, mais il n'est jamais en contact avec le vôtre. On repousse la tension, on présuppose qu'elle est dangereuse, mais n'est-ce pas elle qui nous agite, qui nous mobilise, qui nous électrise ? Sans elle, la vie serait bien molle. Et sans vous aussi, Géraldine. Rappelez-nous alors le titre du livre dont vous nous avez parlé en début de chronique. Oui, alors c'est « J'aime être zen », c'est dans la collection « Mes petites découvertes sonores », c'est chez Gallimard. Alors ça ne marche peut-être pas à détendre vos enfants, mais c'est toujours amusant. En tout cas, ils ont l'air de bien s'amuser avec ces livres sonores. C'est noté, on peut aussi podcaster l'émission sur le zen qu'on avait proposé ici au chemin, je crois que c'était l'an dernier, en tout cas tout est disponible avec en ligne. Éric Romeluer. Eh bien, quelle mémoire Géraldine, vous avez raison, puis surtout, détendez-vous. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé cette émission avec Louis Bardinet à la prise de son aujourd'hui et Chloé Réjon à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour sur et dessous le soleil. Demain, nous serons en compagnie de Yann Blanc et on évoquera le travail de Van Gogh. Van Gogh l'ébloui aux toiles baignées de soleil. D'ici là, pour réécouter cette émission,